La vraie vie, l'humour, le bonheur, la joie sont les caractéristiques d'une vraie vie. Le vrai bonheur, la joie et l'humour, composantes d'une vie équilibrée qui comprend profondeur de pensée et compassion, sont des caractéristiques qui enrichissent la vie et ajoutent à son rayonnement. Shori Effendi, 1897-1957. L'humour est un élément essentiel pour garder un bon équilibre dans cette vie et dans notre appréhension de la réalité.